L'illustré. Il est 13h30, très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, 79, année chaotique. Économie, religion, conflits et société, ça vole en escadrille. En août dernier, le New York Times Magazine consacrait l'intégralité de sa pagination à un long article signé du journaliste Nathaniel Rich et annoncé en lettres blanches sur fond noir « Il y a 30 ans, nous aurions pu sauver la Terre ». Cet article a été transformé en livre, il est intitulé « Perdre la Terre » et vient de paraître en français. Les éditions du Seuil nous ont donné l'autorisation de vous donner à entendre de larges extraits de cet ouvrage, nous les en remercions, et grâce à la parfaite maîtrise de l'anglais d'Étienne Duval, nous pourrons également découvrir la voix et les propos de ce jeune journaliste, Nathaniel Rich, enregistré lors d'une rencontre avec le public aux États-Unis pour la parution de son ouvrage. « Perdre la Terre », une enquête de Nathaniel Rich, traduit de l'américain par David Fockenberg, est paru au Seuil, aux éditions du Sous-sol. Vous avez un chapitre intitulé « Héros et méchants ». Quel est le rôle des médias à cette époque pour faire comprendre le problème ? Yeah, well, what's incredible is that this question of, essentially, it's a marketing question. How do we get people to care about the issue? Has been along almost as long as the science itself is established. So you have Al Gore in 1980. La question « Comment faire pour que les gens se sentent concernés par ce problème ?» est une question de marketing, en fait. Et elle est presque aussi ancienne que la découverte du problème par les scientifiques. En 1980, Al Gore est un jeune membre du Congrès qui veut faire parler de lui. C'était avant qu'il soit sénateur. Il en était à son troisième mandat de député au Congrès. Il a réussi à créer une sous-commission au sein de la Commission des questions scientifiques, dans le but de la présider lui-même. C'était une commission de contrôle. Al Gore décide que le problème le plus porteur pour lui, c'est le changement climatique. À l'époque, on disait réchauffement de la planète ou encore gaz à effet de serre. Al Gore décide que c'est ce qu'il y a de mieux pour se faire connaître. Il s'agit d'un problème existentiel pour la planète, il touche tout le monde, il ne divise pas les partis. Donc, Gore pense que si le Congrès l'écoute, sa campagne aura le vent en poupe. Donc, au tout début du processus politique, Gore lui-même se pose cette question. Qui sont les héros dans cette histoire et qui sont les méchants? Est-ce que ça plaira aux journaux télévisés, aux médias? Lorsqu'il était à Harvard, il se trouve qu'Al Gore avait suivi les cours de Roger Revell, le célèbre scientifique qui, en 1957, avait été le premier à attirer l'attention du public sur le phénomène du changement climatique. Il avait donné des interviews à Time Magazine et à Life Magazine où il expliquait que New York serait inondé en cas de fonte des calottes glaciaires. À ce moment, Al Gore se dit, si seulement le professeur Revell pouvait dire au Congrès ce qu'il nous a dit à nous, alors les choses vont bouger. En fait, cela n'a pas suffi. On verra tout au long de cette décennie que les militants, les scientifiques, les politiques livrent un combat qui n'est pas que politique, mais que c'est aussi un combat pour la conquête de l'opinion. Il n'y a sans doute pas de différence entre ces deux choses, mais eux, en tout cas, ils pensent le problème en termes stratégiques. C'est ce que fait aussi James Hansen, le scientifique de la NASA, à la fin de la décennie. À l'époque, il comparaît pratiquement tous les ans devant le Congrès pour parler de ce problème. Lors d'une audition en novembre 87, il se rend compte que personne ne l'écoute. Alors, il décide que dorénavant, les auditions sur le réchauffement climatique aurait lieu en été. L'année suivante, Gore organise une nouvelle audition au Sénat, mais cette fois-ci, c'est l'été, un été où les températures atteignent de nouveaux records. Et c'est le moment où tout d'un coup, on observe une très forte prise de conscience de l'opinion sur cette question. Nathaniel Rich, capté lors d'une rencontre avec son public aux États-Unis pour la parution de son livre « Perdre la Terre ». Cette semaine, 79, année chaotique. Chapitre 4, entre Cassandre divagant. 1979-1980. Pendant que James Hansen peaufinait ses mondes miroirs et que Ralph Pomeranz faisait jouer ses relations à Washington, un petit groupe de philosophes, d'économistes et de chercheurs en sciences sociales était occupé à débattre vigoureusement, entre eux pour l'essentiel, de la question de savoir si une solution humaine à ce problème humain était seulement possible. Ces universitaires, que nous appellerons les fatalistes, ne s'embarrassaient pas de détails concernant le réchauffement. Ils prenaient pour acquis le scénario du pire. Ils ne s'embarrassaient pas non plus de savoir si l'humanité était capable, dans un avenir plus ou moins proche, de ne plus utiliser les combustibles fossiles. Ils partaient du principe qu'une solution était possible d'un point de vue technique. Non, ils se demandaient plutôt si les êtres humains, confrontés à ce péril existentiel, avaient envie de l'empêcher. Cette question n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. Au milieu du XVIIIe siècle, lorsqu'on avait commencé à brûler des combustibles fossiles pour produire les quantités d'énergie considérables requises par l'industrie naissante, cela avait causé un bouleversement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les nouvelles inventions qui venaient de révolutionner le monde, la machine à filer, le coton de James Hargreaves, le haut fourneau alimenté au coq, le moteur à vapeur chauffé au charbon, avaient fait naître des dangers que leurs créateurs n'avaient pas anticipés et qu'ils étaient de plus en plus incapables de conjurer. La fumée noire qui masquait la lumière du jour au-dessus de Londres et du Yorkshire avait été l'un des premiers exemples de ces conséquences imprévues et involontaires. L'épisode du Dust Bowl dans les années 1930, avec ses tempêtes de poussière dues à la multiplication déraisonnable des terres labourées sur les plaines du sud des États-Unis, avait ensuite révélé que les bénéfices à court terme de la mécanisation pouvaient conduire les hommes à ignorer à leurs dépens les leçons d'une sagesse immémoriale. Et l'adoption universelle des automobiles fonctionnant à l'essence montrait à quel point le progrès technologique était capable d'aveugler les foules, comme lorsqu'en 1943, les habitants de Los Angeles, noyés sous un épais smog, avaient cru que leur ville venait de subir une attaque chimique de la part des Japonais. L'ampleur de ces périls, proportionnelle au pouvoir de la technologie, n'avait cessé de croître jusqu'au moment où, avec l'avènement de l'ère nucléaire, il était devenu possible pour notre espèce de se suicider en appuyant simplement sur un bouton. Dans un rapport de 1977 publié par le Conseil américain de la recherche, Roger Revelle et Charles Keeling soutenait que les émissions carbone constituaient une menace tout aussi mortelle. Citation, « Il est devenu de plus en plus évident ces dernières années que la capacité humaine à perturber par inadvertance l'environnement planétaire a pris de vitesse les outils dont nous disposons pour anticiper la nature et l'étendue de cet impact. » L'expression cruciale ici était « par inadvertance ». L'effet avait été séparé de la cause. Au fur et à mesure que nos technologies gagnaient en sophistication, notre comportement, lui, se faisait de plus en plus puéril. Alors que nombre de nos activités quotidiennes requéraient la combustion de grandes quantités de carbone, nous n'étions conscients que de manière passive et périphérique du vrombissement de nos climatiseurs, du clic des interrupteurs allumant nos ampoules, du grondement de nos moteurs à combustion interne. Mais la dette ne s'en accumulait pas moins. Et l'addition allait finir par tomber. Un autre rapport de 1977, commandé par l'administration de la recherche et du développement de l'énergie, mettait en garde contre le fait que la dépendance de l'humanité aux combustibles fossiles allait inexorablement mener à une multitude de désastres. Intolérable et irréversible, ce sont les adjectifs cités dans le rapport, tout en qualifiant d'improbable la mise en place du meilleur remède possible, la transition vers les énergies renouvelables. Autre citation dans ce rapport, « Toute action gouvernementale nécessite un consensus politique. Un tel consensus sera certainement difficile à obtenir. » L'anthropologue Margaret Mead, qui en connaissait un rayon sur la rigidité des modèles culturels, avait saisi encore plus tôt l'urgence de ce problème dès 1975 lorsqu'elle avait organisé un symposium sur le réchauffement climatique à l'Institut américain des sciences de la santé environnementale. Elle écrivait alors « Nous sommes confrontés à une situation où la société doit prendre des décisions à l'échelle planétaire. » Ses conclusions étaient claires, sans appel, dénuées des précautions oratoires d'usage dans la littérature universitaire, citation, « Si les peuples du monde ne font pas l'effort de saisir les conséquences démesurées et à long terme de ce qui semble d'abord être de petits choix instantanés, la planète tout entière pourrait être en danger. » Mais les fatalistes, eux, doutaient fortement qu'une meilleure conscience du problème soit à même de provoquer une réaction raisonnable. La menace d'une catastrophe aussi lointaine suffirait-elle à motiver de tels changements ? Si oui, de quelle gravité cette menace devait-elle être ? Et quelle serait l'ampleur des changements consentis ? Certes, nous nous soucions de l'avenir, de nos enfants, de nos petits-enfants, mais à quel point au juste ? Et dans quelle mesure nous soucions-nous de l'avenir de nos arrière-petits-enfants, voire de leurs arrière-petits-enfants ? Suffisamment pour renoncer tant soit peu à nos conditions de vie actuelles ? Une transition brutale vers des formes d'énergie renouvelable exigerait des sacrifices. La perspective, disons, d'une pénurie de nourriture à l'échelle mondiale dans un siècle avait-elle le pouvoir de convaincre une personne de se rendre à son travail en bus de ville ? Suffirait-elle à persuader une famille de quatre de troquer son sèche-linge contre un étendoir ? Et quel degré de certitude fallait-il dans ce cas ? 30% ? 98% ? Cette question, il faudrait la poser non seulement aux individus, mais aussi aux nations et aux grandes entreprises. Quelle valeur accordions-nous vraiment au futur ? La réponse, comme l'aurait confirmé n'importe quel économiste, était celle-ci. Une valeur extrêmement minime. L'économie, cette science qui consistait à attribuer une valeur au comportement humain, prêtait au futur une forte décote. Le bénéfice d'un profit à court terme éclipsait le coût d'un risque à long terme. Citons par exemple ce que Lester Lave, un économiste de la Brookings Institution, qui commença à s'intéresser au changement climatique dès les années 70, écrivait à l'époque. Si le monde devait disparaître dans 20 ou 30 ans, cela ne changerait absolument rien pour les économistes d'aujourd'hui. Ce qui faisait de la menace que représentait un changement climatique le parfait désastre économique. le monde devait disparaître dans 20 ou 30 ans. Cela ne changerait absolument rien pour les économistes d'aujourd'hui. Ce qui faisait de la menace que représentait un changement climatique le parfait désastre économique. Histoire vivante, cette semaine, 79 années chaotiques. Aujourd'hui, chapitre 4, entre Cassandre et Divagan. À la fin des années 70, l'économiste William Nordhaus, professeur à Yale et membre de la commission des conseillers économiques du président Carter, s'alarmait tant de ce problème qu'il conçut un modèle économique nouveau capable d'y faire face. Le climat avait été si stable depuis des siècles, soulignait Nordhaus, que les êtres humains avaient fini par considérer cette stabilité comme allant de soi et ne l'appréciaient plus à sa juste valeur. Pourtant, la valeur financière de cette constance du climat était pharaonique. Comme Roger Revel l'avait déjà fait observer, des milliards et des milliards de dollars d'investissements à long terme dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de la sécurité nationale et du développement urbain reposaient sur le principe que les conditions élémentaires régissant le monde naturel resteraient inchangées. Jess Ossoubel, qui était alors un tout jeune membre de l'Académie américaine des sciences, est l'une des premières personnes au monde à occuper un poste à plein temps d'analyste du changement climatique, formulait en ces termes le défi à relever. Je le cite. « Comment fait-on lorsque le passé ne peut plus servir de guide pour l'avenir ?» Fin de citation. Le moindre réchauffement des températures mondiales, aussi mineur soit-il, induirait des coûts extraordinaires. Certains chercheurs avaient déjà commencé à tenter de les quantifier en dollars. Au Centre américain de recherche atmosphérique, Stephen Schneider et Robert Chain, qui avaient aidé le groupe de recherche mis en place par Charney dans ses travaux, avaient calculé qu'une élévation d'environ 5 mètres du niveau des océans mettrait en péril 6% du patrimoine immobilier américain. Cette corrélation avait cependant des limites. Une fois que la montée des eaux aurait dépassé un certain seuil, l'économie du pays, tout comme son patrimoine immobilier, coulerait par le fond. Mais la montée des océans ne serait que le début des galères financières, car elle serait bientôt suivie d'un effondrement de l'agriculture, d'une aggravation des tensions entre les pays du Nord et ceux du Sud, d'une amplification des inégalités économiques, de la dissolution des frontières nationales. Nordhaus estimait qu'il était totalement irrationnel, pas seulement d'un point de vue moral, qui n'avait d'ailleurs rien à faire dans un débat d'ordre financier, mais d'un point de vue économique, d'attendre encore avant d'agir. Si l'on ne pouvait pas améliorer les comportements humains, poursuivait Nordhaus, peut-être était-il possible, en revanche, d'agir sur le marché. Le remède qu'il imaginait consistait à obliger les nations à payer le vrai prix du carbone en prélevant une taxe sur leurs émissions. Selon ses calculs, ce prix s'élevait à 10 dollars la tonne. Mais pour lever une taxe carbone universelle, encore fallait-il disposer d'un percepteur universel. Et pour ce faire, un traité international serait nécessaire. Ce qui soulevait la question suivante, un traité solide était-il seulement envisageable, même dans les circonstances les plus favorables qu'on puisse imaginer? Nordhaus n'était pas de cet avis. Pas plus que Michael Glantz, chercheur en sciences politiques au Centre américain de recherche atmosphérique. Dans un article publié en 1979 par la revue Nature et intitulé « Une approche politique du CO2 », Glantz constatait que les hommes politiques avaient toujours tendance, lorsqu'ils étaient confrontés à des problèmes majeurs, à adopter l'une des deux approches suivantes. Gérer la crise, ou alors se débrouiller comme on peut. Des mesures décisives n'étaient prises qu'à l'occasion d'une crise, comme lorsque les smogs toxiques des années 60 avaient causé des morts subites dans les rues des grandes villes américaines et poussé le Congrès à adopter des lois anti-pollution. Les réformes tardives étaient systématiquement plus coûteuses, bien moins efficaces que les actions préventives, mais c'était ainsi que nous nous attaquions toujours aux problèmes sociaux, après avoir trop attendu et en ne prenant que des demi-mesures. Face aux bouleversements dangereux mais progressifs comme la pollution de l'air, inévitablement, les décideurs se débrouillaient comme ils pouvaient, car les besoins à court terme d'une société éclipsaient les conséquences environnementales à long terme, aussi cataclysmiques soient-elles. Le seul avenir digne d'être pris en considération était le court terme. Le long terme, pour les élus, ne s'étendait jamais au-delà de leur mandat. Et aux États-Unis, aucun mandat électoral n'excédait 6 années. À supposer même que les puissances mondiales daignent négocier un traité, ce dernier resterait forcément sans effet, affirmait le physicien et philosophe allemand Klaus Meyer-Habich. Chaque nation ne défendant que ses propres intérêts, un compromis mondial déboucherait inévitablement sur des mesures minimalistes. C'était la loi inflexible de la diplomatie internationale, celle du plus petit dénominateur commun. Mais le fatalisme de Meyer-Habich allait encore plus loin. La crise pétrolière avait déjà mis en lumière les dangers, en termes environnementaux, géopolitiques et économiques, de notre dépendance envers les combustibles fossiles. Si cette crise, malgré ses conséquences brutales, aussi spectaculaire que néfaste, n'avait pas su convaincre le monde de faire radicalement évoluer son modèle énergétique, la menace autrement plus abstraite et graduelle d'un changement climatique n'avait aucune chance d'y parvenir. Des mesures seraient sans doute prises, bien sûr, mais seulement à la marge, à condition qu'elles s'accompagnent de bénéfices économiques à court terme. En vertu de ce raisonnement, un traité juridiquement contraignant capable d'imposer une réduction des émissions de CO2 semblait une pure chimère. En d'autres termes, la seule approche viable face au péril existentiel que représentait le changement climatique, c'était de ne rien faire. Les fatalistes participaient au grand sommet sur la question, comme la Conférence mondiale sur le climat ou le symposium sur le dioxyde de carbone organisé par le ministère de l'Énergie au printemps 79, mais lorsqu'ils prenaient la parole, nul ne semblait les écouter. Les chercheurs en physique, qui jouaient les premiers rôles dans ces rencontres internationales, se contentaient de hocher la tête, attendant avec impatience de pouvoir reprendre leur débat sur les influences relatives du transfert thermique par rayonnement et l'effet albédo, autrement dit la mesure de l'absorption solaire, car c'était là leur domaine d'expertise. Après tout, les nuages, les océans, les forêts, le monde invisible. Et les économistes, les philosophes et les politologues finissaient par avoir l'impression que, malgré la véhémence de leurs cris d'alarme, eux-mêmes, ils étaient en train de devenir invisibles. Perdre la Terre, une enquête de Nathaniel Rich, traduite de l'américain par David Fockenberg, est parue au Seuil, aux éditions du Sous-Sol. One of the reasons I wanted to write about this subject, it's a subject that I, you know, cared. L'une des raisons qui m'ont conduit à traiter ce sujet, c'est que c'est un thème auquel j'ai beaucoup réfléchi. Il me tient à cœur. J'y réfléchis de manière approfondie depuis des années. J'ai voulu écrire ce livre parce qu'il me semble que le langage que nous utilisons pour en parler est malhonnête, ou tout du moins qu'il est incomplet, inadéquat. D'où cette question qui revient tout le temps. Est-il trop tard? Évidemment, s'agissant de changement climatique, la gamme d'effets potentiels est vaste. Il y a des scénarios, comme le dit le GIEC, qui ne conduiront qu'à une augmentation de température d'un degré et demi par rapport aux moyennes historiques. Il y a d'autres scénarios qui produisent des augmentations de 6 degrés. Entre ces deux scénarios, la fourchette est énorme. Parler de ce problème en termes d'augmentation d'un demi-degré, c'est un peu un euphémisme. Il y a en fait une différence énorme entre 1,9 degré et 2 degrés, ou encore 2 degrés et 2,1 degrés de réchauffement. Nous nous posons aussi la question de savoir si nous allons vaincre ce phénomène ou s'il va avoir raison de nous. Faut-il avoir espoir ou céder au désespoir. Cette façon étrange de penser ce problème en termes binaires, je pense que c'est le résultat involontaire de la campagne menée depuis des décennies par l'industrie du pétrole et du gaz. Cette campagne dont je décris la genèse dans mon livre. Elle s'est faite avec l'aide enthousiaste du Parti républicain. Elle consiste à nier la science. Non seulement elle a réussi à politiser le problème, à enlever toute subtilité au débat et à semer l'ignorance, mais cela réduit la conversation à un questionnement presque puéril. Allons-nous remporter ce combat ou non ? Nous sommes des adultes, ce sont des questions complexes et nous devrions être capables d'en parler de façon plus sophistiquée, de façon plus humaine. Je me suis dit que je pouvais contribuer à cela plutôt que de m'occuper de questions basiques, du genre « les scientifiques ont-ils raison ?» Qu'est-ce qui va se passer, etc. Bien sûr, il y a beaucoup d'incertitudes et il est important de commencer par le dire et l'accepter. Demain, nous avons rendez-vous avec le réalisateur Pascal Verroust. Il viendra au micro d'Histoire Vivante nous parler de son documentaire qui porte précisément sur cette année charnière 1979. Histoire Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker, Isabelle Barthes, Étienne Duval et Thierry Châtel. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Pierre-Étienne Bourneuf, comme on disait jadis, à vous les studios, là c'est pas à vous les studios, c'est vous avez un appel à lancer. On vient de d'ouvrir le micro et vous avez une annonce de la plus haute importance à faire. Alors, je vous y invite. Je voudrais informer vos auditeurs que nous avons ouvert depuis octobre dernier une exposition au Palais des Nations à Genève, une exposition sur les 100 ans de multilatéralisme à Genève. Il y a plus de 150 objets qui sont présentés, qui proviennent des archives des Nations Unies de Genève, de New York, mais aussi des archives du BIT, du Bureau International du Travail, de l'Organisation Mondiale de la Santé et du HCR, du Haut Commissariat pour les Réfugiés. Nous avons aussi des documents exceptionnels, par exemple une lettre avec laquelle Nobel évoque la possibilité... Alfred, en effet, de 1893, dans laquelle il évoque la possibilité de créer un prix pour celui ou celle qui ferait le plus pour contribuer à la paix en Europe. On a des documents absolument incroyables et méconnus, comme la lettre de remerciement envoyée par les représentants soviétiques et américains en 1963 au secrétaire général des Nations Unies pour son aide pendant la crise des missiles de Cuba de 1962. Des documents sur Genève aussi tout à fait croustillants. On a une lettre de Henri Dunant, une fois qu'il, après avoir reçu son prix Nobel de la paix en 1901. On a des lettres de Einstein, Albert Einstein. Ce sont des documents tout à fait exceptionnels. Et cerise sur le gâteau, nous avons 4 prix Nobel de la paix qui sont exposés. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de musées qui exposent aujourd'hui 4 prix Nobel de la paix. Pierre-Étienne Bourneuf, je vous ai invité effectivement à lancer cet appel. Parce que vous avez fait le tour des médias, vous avez relevé les manches et puis essayé de faire la démonstration à qui voudrait bien l'entendre de l'intérêt du propos. Et là, en ces quelques mots, on le mesure, cet intérêt-là. Et vous avez fait, si j'ose dire, quasi chou blanc. Peut-être pas chou blanc, mais pour nous, c'est très important de mettre en avant le centenaire du multilatéralisme à Genève. Et c'est très important que les Genevois aussi et les Suisses soient conscients de ce centenaire. Parce qu'il faut bien reconnaître une chose, c'est que le système international, comme on le conçoit aujourd'hui, eh bien, il a été fondé ici à Genève il y a 100 ans. Et c'est très intéressant de pouvoir explorer et de montrer aux Genevois ce qu'a amené Genève au niveau international. Vous avez envoyé une invitation spéciale à l'actuel locataire de la Maison Blanche, bien sûr. on invite toutes les personnes. Toutes les bonnes volontés. Toutes les bonnes volontés et je serais ravi de faire la visite à n'importe qui, si de bonne volonté. Merci Pierre-Étienne Bourneuf. Rendez-vous au musée. Vous écoutez La Première et il est 14h.